À partir d'Irkoutsk, le voyage devint beaucoup trop lent, beaucoup trop long. Nous étions dans le premier train qui contournait le lac Baïkal. On avait tourné la locomotive de drapeaux et de lampions, et nous avions quitté la gare, aux accents tristes de l'hymne au tsar. Si j'étais peintre, je déverserais beaucoup de rouge, beaucoup de jaune, sur la fin de ce voyage, car je crois bien que nous étions tous un peu fous, et qu'un délire immense ensanglantait les faces énervées de mes compagnons de voyage. Comme nous approchions de la Mongolie, qui ronflait comme un incendie, le train avait ralenti son allure, et je percevais, dans le graissement perpétuel des roues, les accents fous et les sanglots d'une éternelle liturgie. J'ai vu les trains silencieux, les trains noirs qui revenaient de l'extrême-orient et qui passaient en fantômes. Et mon œil, comme le fanal d'arrière, court encore derrière ces trains. À Talga, 100 000 blessés agonisaient, faute de soins. J'ai visité les hôpitaux de Krasnoïarsk, et à Filok, nous avons croisé un long convoi de soldats fous. J'ai vu dans les lazarets des plaies béantes, des blessures qui saignaient à pleines orgues, et les membres amputés dansaient autour ou s'envolaient dans l'air rauque. L'incendie était sur toutes les faces, dans tous les cœurs, des doigts idiots tambourinaient sur toutes les vitres, et sous la pression de la peur, les regards crevaient comme des abcès. Dans toutes les gares, on brûlait tous les wagons. Et j'ai vu des trains de 60 locomotives qui s'enfuyaient à toute vapeur, pourchassés par les horizons en rut, et des bandes de corbeaux qui s'envolaient, désespérément après, disparaître dans la direction de Port Arthur. À Chita, nous eûmes quelques jours de répit, arrêt de 5 jours, vu l'encombrement de la voie. Nous le passâmes chez M. Yankelevitch, qui voulait me donner sa fille unique en mariage. Puis, le train repartit. Les campagnes de Venise et les cloches de Moscou, l'horloge de la Porte Rouge qui me comptait les heures quand j'étais dans un bureau, et mes souvenirs. Le train tonne sur les plaques tournantes. Le train roule. Un gramophone grasseille une marche de cigane, et le monde, comme l'horloge du quartier juif de Prague, tourne éperdument à rebours. Effeuille la rose des vents. Voici que bruissent les orages déchaînés. Les trains roulent en tourbillon sur les réseaux enchevêtrés. Bilboquet diabolique. Il y a des trains qui ne se rencontrent jamais. D'autres se perdent en route. Les chefs de gare jouent aux échecs. Tric-trac, billard, carambole, parabole. La voie ferrée est une nouvelle géométrie. Syracuse, Archimède, et les soldats qui les gorgèrent, et les galères, et les vaisseaux, et les engins prodigieux qu'il inventa, et toutes les tueries, l'histoire antique, l'histoire moderne, les tourbillons, les naufrages, même celui du Titanic que j'ai lu dans le journal. Autant d'images associations que je ne peux pas développer dans mes vers, car je suis encore fort mauvais poète. Et je construirai un hangar pour mon avion avec les os fossiles de mammouth. Le feu primitif réchauffera notre pauvre amour. Samovar, et nous aimerons bien bourgeoisement auprès du pôle. Oh, viens !